Le comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée a publié le 25 juin une déclaration. En voici le résumé. En Corée du Sud, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et la Fédération des unions syndicales ont organisé le 18 courant à Séoul le rassemblement de 100 000 travailleurs des entreprises financières et publiques pour jurer une lutte générale. Elles ont dénoncé vertement les autorités cherchant à mettre en vigueur le système de primes annuelles tout à fait injuste pour faire des ouvriers esclaves de l'argent et du pouvoir et à rejeter les responsabilités de l'échec économique et de la misère du peuple. Sous le mot d'ordre « Fin au régime oppressif et dictatorial », elles s'engagent dans la lutte anti-gouvernementale d'envergure. Rappelons qu'elle déploie déjà sans cesse les luttes de diverses formes, telles que le meeting anti-gouvernemental, la coupe de cheveux collective et le rassemblement ouvrier par section locale des syndicats, etc. Elles ont déclaré résolument de passer à la grève générale de 400 000 hommes si Pakoné ne retire pas le système en question. Il s'agit de l'explosion de la malédiction et de la colère de toutes les couches du peuple et du jugement sévère contre la traîtresse Pakoné, vampire qui arrache sans merci des masses travailleuses le droit à l'existence élémentaire, non satisfaite d'avoir transformé la Corée du Sud en endroit abominable par sa dictature fasciste atroce et son gouvernement antipopulaire pendant son mandat présidentiel. Pakoné prétend absurdement que le système de primes annuelles est indispensable pour la relance économique, mais elle vise réellement à se tirer de la crise économique causée par elle en sacrifiant les ouvriers. Tous les ouvriers du Nord appuieront activement les ouvriers sud-coréens en lutte juste contre le gouvernement dictatorial antipopulaire de la bande de Pakoné en vue de sauvegarder leurs droits démocratiques véritables et droits à l'existence.